Cette semaine, au Mathieu Plante Show. Dans Television, Notre-Dame de Paris inspire la télé américaine. Nous, on attend toujours l'émission inspirée de Testimo. Dans le segment Geek CLX, New York installe des zones message tech sur ses autoroutes. Ici, on pense faire installer des zones pour que les matantes votent pour le gagnant de la voix. Tout ça en plus de cette fête Tech Edition et de la geek à temps de venir au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Et voici celui qui fait ralentir toutes les matantes, Mathieu Plante! Plus lent qu'une matante encore, ça donne quoi? Une tortue, peut-être? Ouais, pas mal. Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Edgar Fruitier et un peu comme Monsieur Burns, hein, j'ai besoin de Smithers. J'ai besoin de quelqu'un avec qui parler, donc j'accueille ma Smitherette Maria Picard. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. Oui, toujours une heure geek et qu'on passe ensemble. C'est notre seule heure geek. Le reste du temps, on geek pas pantoute. Non, c'est ça, exactement. C'est une heure dans la semaine puis fini. Le reste du temps, c'est parle-moi pas. C'est ça. De ça. Exactement. Ouais. Dans quelques instants, on fera la chronique Television. Avant ça, par contre, on va devoir écouter un petit peu de chiptune, hein, c'est-à-dire de la musique inspirée par les jeux vidéo créés à partir de consoles de jeux vidéo. Et on commence par une pièce de l'artiste Jeff the World. Et ce sera Aegis of Iliad. C'est dur à prononcer, mais tout à fait facile à écouter parce que Colin, c'est du chiptune puis tu te tannes pas de ça. Hein? Ben non. Moi, en tout cas, je me tanne pas de ça. L'artiste est Jeff The World et la pièce s'appelle Aegis of Iliad. Aegis, A-E-G-I-S. Le lien sur assemblagerequis.com, évidemment pour toute la musique chiptune du Mathieu Plante Show. On commence avec la première chronique de l'émission. Voici Television, Television. Marie-Ève, on n'écoute pas beaucoup de séries de ces temps-ci. Toi et moi, on dirait qu'on est pris dans le Big Brother Australia. Oui, mais c'est tellement long. Mais c'est l'émission sans fin. Il y a 90 épisodes, genre d'une heure par saison, puis on essaie de l'écouter en temps réel. Ouais. Ça n'a pas de sens. Peut-être qu'on devrait pas faire ça. Non. Hey, enlève-moi pas mon Big Brother Australia. Moi. J'ai cherché Big Brother Québec, la seule saison qui a eu lieu en 2010. Ouais, à ouais. Personne la lit, je lis le partage sur les torrents. Oh non. Le fichier est là, j'ai même payé pour avoir un compte sur TVQC.net. Oui, ouais. Il y a personne dessus, fait que j'ai payé en bas. Ah, sinon, mais pas. C'est comme ça. Bon, c'était pas tant bon, hein. Non, mais c'est québécois. C'est des petits bouts qu'on avait vu, là. Ben, c'est ça. Parlons, tiens, de télé. Commençons avec Jennifer Garner, qui devient productrice pour la télévision. Jennifer Garner, l'actrice américaine, qui a vendu à la Fox une série qui se déroulera dans un club de striptease. Oh boy. Mm-hmm. The Whole Shebang suivra la nouvelle vie d'une femme fraîchement célibataire. L'héroïne héritera d'un club de striptease masculin et trouvera par la même occasion une deuxième famille qui saura prendre soin d'elle. Jennifer Garner produira ce drame qui intéresse la chaîne Fox. À cette occasion, elle travaillera à nouveau avec Jason Mikeliff, scénariste de la comédie Butter de 2012. Dont elle était l'actrice principale et la productrice. Je me rappelle pas du film Beurre. Non, moi non plus. Mais bon. Elle va collaborer pour la même chaîne que son mari. Hein? On en parlait la semaine passée. Son premier projet télévisé à Ben Affleck qui va produire et réaliser pour la Fox le pilote de The Middleman. Mmh. Mmh. On parle beaucoup de vedettes qui se lancent en télévision. On continue avec Eva Longoria, l'actrice américaine, collaborera à nouveau avec la chaîne américaine qui a diffusé pendant 8 ans Desperate Housewives. Yeah. Mais cette fois-ci en tant que productrice. Tu l'aimes, toi? Oui. La série ou la fille? Ah, les deux. Ouais. Eva Longoria qui va participer à l'adaptation américaine de la série colombienne Pura Sangre. Pura Sangre. Rebaptisé Trust pour les États-Unis, la telenovela, ça c'est un téléroman latino, suivra l'avocat David Montenegro qui accepte un nouveau travail loin de Miami dans l'unique but de retrouver son premier et unique amour. Mais Rosella Lagos est déjà fiancée à un autre homme. Oh! Tu sens la musique faire. L'ancienne star de Desperate Housewives marche sur les traces de sa consœur Salma Hayek, qui avait produit pour ABC Ugly Betty, version américaine de la telenovela colombienne Yo Soy Betty La Fée. La série s'était arrêtée en avril 2010 après la diffusion de 4 saisons. Eva Longoria s'est déjà impliquée dans la production de Devious Maids, la nouvelle création de Mark Cherry, qui est le producteur et créateur de Desperate Housewives, donc dévoilée cet été sur la chaîne Lifetime. Sofia Vergara maintenant, productrice pour Fox. Tout le monde veut être producteur. Ben oui. Donc, de plus en plus plébiscitée par le cinéma, l'actrice colombienne Sofia Vergara. Et non, n'oubliez pas pour autant la télévision. La star de Modern Family se lie à la chaîne Fox pour le développement d'une comédie, selon Deadline.com. Dans sa future production, Sofia évoquera un thème qui lui est cher, c'est l'immigration. Sa série Speak American tournera autour d'America Aviles, une professeure d'origine latine dont la spécialité est d'apprendre aux personnes à réduire leur accent. Intéressant! Ah, oh, ben oui! Ouais. Elle engagera un étranger aux méthodes peu conventionnelles pour enseigner à sa classe. L'actrice s'associera avec le producteur Ben Silverman, avec qui elle prépare déjà Killer Women, adaptation d'une série argentine, et le couple créateur de Royal Pains, Andrew Lenchuski. Génial. Maintenant, on parle d'un film qui va être adapté à la télé, potentiellement. C'est Bonnie and Clyde. Ah oui! La mini-série avec Emil Hirsch et Holiday Granger dans la peau des célèbres braqueurs de banque sera révélée aux téléspectateurs américains le dimanche 8 et le lundi 9 décembre prochain. Bonnie and Clyde reviendra sur les légendaires criminels de Dallas pendant la Grande Dépression, Bonnie Parker et Clyde Barrow. La première sera interprétée par Holiday Granger, actrice de la série Les Borgia, diffusée sur Showtime. Son partenaire sera campé par Emil Hirsch de Sauvage et Vers l'inconnu. Que je connais moins. Le casting sera complété par William Hurt de Dommages et Intérêts, qui se grimera en Frank Harner, le désormais célèbre policier qui s'est beaucoup impliqué dans la traque des deux hors-la-loi en 1934. À l'affiche de Top of the Lake, série de Jane Champion, Holly Hunter héritera du rôle d'Emma Parker, la mère de Bonnie. C'est beaucoup de monde, ça. Neil Mirren et Craig Zedden, producteurs derrière la série télévisée Smash et les films musicaux Chicago et Hairspray, c'est vraiment des deux personnes de comédie musicale. Ils ont mis sur pied la série découpée en quatre parties. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont chanter. Est-ce qu'ils vont chanter là-dedans? Mmh. Bonnie and Clyde. Non, ça, c'est la même chanson que Sharky et Jean. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Inventer une autre. Mmh. On peut pas juste prendre les chansons de On pourrait faire animés. Ça. C'est pas fait. John Rice et Joe Bettir ont signé le scénario qui a mis en scène Bryce Beresford. Bonnie and Clyde qui sera diffusé simultanément sur 3 chaînes américaines. Ça, j'ai jamais entendu parler de ça. T'sais. On a entendu parler de Téléthon qui sont diffusés sur des grands réseaux tout en même temps. Mm-hmm. Mais là, ça va être diffusé sur E&E, Lifetime et History Channel. 3 chaînes câblées. Assez différentes quand même. Assez différentes, oui, complètement. Mais bon, tant mieux. Ouais, ils vont joindre beaucoup de gens. Et voilà. L'équipe du film Le Majordome réunit pour la télévision. Encore une fois, un film qui... Ben en fait, c'est pas un film, c'est l'équipe derrière le film qui va devenir une émission de télévision. Le réalisateur Lee Daniels et le scénariste Danny Strong travailleront à nouveau ensemble pour une série destinée à la Fox. Le duo derrière le long-métrage Le Majordome, donc The Butler, ont comme projet commun d'élaborer une série dramatique familiale qui se déroulera dans le milieu du hip-hop. Encore sans titre, la série sera écrite par Danny Strong et mise en scène par Lee Daniels. Le réalisateur de Precious et Paperboy effectuera à cette occasion ses premiers pas à la télé. Danny Strong a déjà signé les scénarios de Recount et Game Change, deux téléfilms politiques pour HBO. L'auteur enrichira prochainement son curriculum vitae au cinéma en signant les deux parties du dernier volet de Hunger Games, La Révolte et... Hunger Games, La Révolte, c'est le nom du titre du film. Il adaptera le roman de Dan Brown, Le Symbole Perdu. Le Majordome, qui est avec Forest Whitaker et Oprah Winfrey, a récolté plus de 100 millions de dollars en Amérique du Nord, donc un énorme succès. Quand même, hein? Pas pire. Ouais. Un autre film. Écoute, les films à TV, on va-tu lâcher le morceau? On dirait que t'as fait par exprès pour choisir tout ça? Oh, ben on dirait qu'il y avait juste ça. Ah, ouais? Le scénariste du film La Vengeance dans la peau s'embarque dans un complot pour NBC. Ah, oh, ouais? Tu connais ça? Oui, okay. Ben oui. Scott Z. Burns, un peu comme Richard Z. Sirois, sûrement que le Z veut rien dire. Ouais. Adaptateur pour la télévision américaine, le long métrage d'épouvante The Conspiracy, sorti en août en Amérique du Nord. L'œuvre canadienne de Christopher McBride prend la forme d'un faux documentaire réalisé par deux jeunes cinéastes, Aaron et Jim. Le duo filme le portrait d'un adepte de la théorie du complot qui s'évanouit dans la nature après qu'un homme soit tué pendant le mouvement contestataire Occupy Wall Street. Aaron et Jim vont alors enquêter sur sa disparition et découvrir l'existence d'une dangereuse société secrète qui étayera les thèses paranoïaques du disparu. Scénariste de La Vengeance dans la peau, Effet secondaire et Contagion de Steven Soderbergh, Scott Z. Burns se chargera d'adapter le long métrage à la télé américaine pour le compte de NBC. Producteur du film, Lee Kim et Resolute Film de Christopher McBride participeront également à la déclinaison. Cool, j'imagine que c'est cool, ces affaires-là de films à télé. C'est pas mon genre de truc, on dirait que c'est jamais pareil comme le film. Non, mais en même temps, tu sais, ça peut faire différent puis ça peut emmener sur d'autres choses. Et c'est souvent le concept qu'ils prennent, donc le scénario de base. Ils vont s'inspirer, mais ça sera sûrement pas du tout pareil comme le film. Là. Non, c'est ce qui me déçoit un peu. Bon. Je sais pas, est-ce que j'aime mieux les films qui deviennent séries télé ou les séries télé qui deviennent des films? Hmm. Ouais, puis en même temps, là, tu dis ça te déçoit parce que ça serait différent, là, mais en même temps, sûrement que tu chialerais aussi si, mettons, c'était pareil, mais tu sais qu'il y avait juste quelques petites différences. Hey, tu me connais, hein? Il y a donc ça. Marvel est prêt à envahir le petit écran. Donc là, on parle de bande dessinée. Dans ce cas-ci, le studio Marvel plancherait sur une nouvelle série télévisée qui aurait comme héroïne Peggy Carter, une agente britannique qui a apparu dans Captain America, le premier Vengeur. Marvel ne se contenterait pas que de Agents of S.H.I.E.L.D., dont on parle beaucoup en ce moment, c'est comme le buzz. Sa première série attendue sur ABC le 24 septembre prochain. Le studio capitaliserait sur le succès de ses films au grand écran pour s'implanter également à la télé. Sa deuxième création cathodique aurait Peggy Carter, ancienne agent du S.H.I.E.L.D., proche du héros Marvel Captain America, il n'y a pas de « of » ici. Le personnage est apparu sous les traits de l'actrice britannique Hayley Atwell dans le premier volet sorti en 2011. Il reviendra dans la suite Captain America The Winter Soldier, prévu pour 2014. L'héroïne a également eu droit à son propre court-métrage qui va être sur les bonus DVD de Iron Man 3 qui sort le 24 septembre. Le projet télévisé n'en serait qu'à un stade embryonnaire. Rien n'indique encore qu'Hayley Atwell reprendrait le rôle pour la télé, ni qu'ABC diffusera le résultat. C'est tout le temps ça, hein? c'est des affaires en l'air. Marvel qui chercherait actuellement un scénariste pour commencer à mettre en forme l'histoire. Ça, c'est plus cool. J'aime ça. Oui, j'ai hâte de voir ça. Maintenant, Notre-Dame de Paris inspire la télé américaine, toi. Bon, regardons ça. Ben oui. Est-ce que ça va mettre en vedette? Qui était en vedette dans Notre-Dame de Paris? C'est-tu Marie-Ève Janvier Non, lui, il était pas là-dedans. Oui, il était là-dedans. Jean-François Brouet-Martineau. Ben oui, c'est là que se sont rencontrés. Non, je sais pas. J'ai aucune idée. Potin, là. On dit n'importe quoi. C'est pas notre domaine. Ben non, c'est ça. C'est pas geek, là, celui-là. au contraire. C'est très mainstream. Notre-Dame de Paris inspire la télé américaine et ABC prépare une mini-série tirée du célèbre roman de Victor Hugo. La série baptisée Esmeralda, du nom de l'héroïne de Notre-Dame de Paris, sera adaptée par Evan Doherty, scénariste de Blanche-Neige et Le Chasseur. Oh, OK. Ouais. Long métrage sorti en 2012 avec Kristen Stewart, encore une fois très mainstream. Ouais. L'auteur compte également à son CV les futurs Divergent, Teenage Mutant Ninja Turtles et G.I. Joe 3. Toutes des affaires underground, indie. Rien n'indique encore si Evan Doherty et ABC respecteront scrupuleusement le récit de Victor Hugo. Je les doute que non. Moi. Qui se déroule à Paris en 1482. L'histoire met en avant la danseuse bohémienne Esmeralda, centre d'intérêt de Quasimodo, sonneur de cloche de la cathédrale Notre-Dame. Blablabla. Paru en 1831, Notre-Dame de Paris a déjà été adapté en pièce de théâtre, comédie musicale, téléfilm et film. Disney a sorti en 96 une version dessin animé, Le Bossu de Notre-Dame. Donc, il reste rien que la télé mainstream. Ouais. Ben, on dirait que les Américains là, aiment beaucoup ça, parce qu'il y a eu aussi l'adaptation encore de Victor Hugo, je crois, avec Les Misérables. Et puis aussi, évidemment, les Once Upon a Time in Wonderland. Mais oui, c'est ça, tout ce qui en découle. Là, mais, tout ce qui est grand conte et grande affaire. Il est pour nous. Voilà. Le créateur de CSI New York travaille sur une nouvelle série. Anthony Zucker a convaincu la chaîne, le réseau ABC, de développer sa dernière trouvaille, The Bounty. Ça me fait penser, ça doit être un autre coco, ça se parle. La tête pensante des séries CSI Crime Scene Investigation, CSI Miami, CSI New York restera dans un univers proche de celui de son succès mondial, The Bounty. Évoquera la vengeance et la restructuration d'une victime dont la famille a été assassinée. Son histoire trouvera un écho dans tous les États-Unis puisqu'elle proposera la plus grosse prime jamais offerte pour la capture d'un criminel. La série sera écrite par Matt Cyrulnik, le créateur, scénariste et producteur de... de Soul Beach. Donc, quand même, une nouvelle série du gars de CSI. Ouais. À quand CSI Québec, maintenant? CSI, oui. Après Saturday Night Live Québec, ça en vient. Pourquoi pas? CSI Québec. Hein? Puis profitez-en non pour tuer les gens pour vrai. Ouais, c'est ça. En tout cas, vous l'aurez entendu ici au Mathieu Planchot en premier. On vous offre Jean-François Brault et Martin. Voilà. En premier. Ah oui. Parlant de séries dérivées, NCIS va aussi avoir sa série dérivée. Là, NCIS, à ne pas confondre avec CSI. Ouais, ouais. Beaucoup de lettres pour rien. Donc, c'est ça, c'est un nouveau spin-off, une série dérivée de NCIS. Selon Deadline, la vedette de NCIS, Mark Harmon, et le producteur exécutif Gary Glassberg sont derrière la nouvelle série. C'est un pilote, ce qu'on appelle un backdoor pilot. On en a parlé déjà ici. C'est quand on diffuse un épisode d'une série dérivée potentielle en tant qu'épisode de la série mère. Ouais. C'est un peu bizarre. Tu regardes l'épisode, tu te dis, c'est pas les mêmes personnages, c'est pas mixé pareil, c'est pas monté pareil. Ouais, c'est ça. Comment ça que mon personnage principal est pas là? Ben, c'est un peu ça. Des fois, il va y avoir genre une scène avec l'épisode, avec le personnage de la série mère. Et bon, donc c'est ça, ça suivrait une équipe de la NCIS basée en Nouvelle-Orléans qui s'occupe de cas dans le Mississippi, Louisiane et le Texas Panhandle. Donc NCIS Los Angeles, qui vient de filmer son 100e épisode, a commencé comme épisode de NCIS, donc ça c'est un dérivé. Et puis la saison dernière, CBS avait essayé un autre spin-off de NCIS avec un épisode en deux parties de NCIS Los Angeles qui s'appelait NCIS Red. Donc ça c'était une sous-branche d'une sous-branche. Ah, ça fait beaucoup trop de NCIS dans un même bloc. Compliqué à comprendre. CBS aime beaucoup, évidemment, les séries dérivées de ses émissions établies. Par exemple, CSI a mené à CSI New York, qui a mené à CSI Miami. Et Criminal Minds a eu un dérivé qui s'appelait Criminal Minds quelque chose. Bref, ça n'a pas duré. Et NCIS, qui est lui-même un dérivé de JAG. Donc, JAG a engendré NCIS, qui a engendré NCIS Los Angeles, qui a essayé d'engendrer NCIS Red. Oh. Wow! Incroyable. Jamie Lee Curtis qui va être dans une série d'horreur. Ah ouais? L'actrice américaine va renouer avec le genre qui l'a propulsé au rang de star. Halloween? Oui, exactement. Et donc ça va être pour la chaîne ABC Family, une chaîne câblée. Ça va être The Final Girls et ça, c'est confirmé. Oh. La chaîne ABC Family qui est spécialisée dans les programmes pour adolescents. C'est eux qui font The Secret Life of the American Teenager. Ayant survécu à leurs propres histoires d'horreur, elles seront réunies par une mystérieuse femme campée par Jamie Lee Curtis. Donc là, on parle de trois filles au passé trouble. C'était la fin du paragraphe d'avant. Donc, Jamie Lee Curtis qui va être la mère. C'est ça? Une mystérieuse femme campée par Jamie Lee Curtis. Qui canalisera leur stress et leurs cicatrices, les cicatrices de leurs expériences. The Final Girls marquera un retour aux sources pour l'actrice américaine qui s'est fait connaître, tu disais, comme avec Halloween et d'autres. Jamie Lee Curtis retrouvera le réalisateur Steve Miner qui l'a même dirigé dans Halloween H2O 20 ans plus tard. Le cinéaste produira et mettra en scène le pilote en cas de commande. Ça, c'est en cas de commande, donc c'est pas, dans le fond, confirmé. C'est pas confirmé, c'est ça. C'est commandé peut-être. Peut-être. La production de la série Personne d'intérêt a été interrompue le 18 septembre dernier lorsque les New Yorkais ont cru que le tournage d'une scène était en fait une réelle fusillade. Oh, étrange. Mon Dieu, ça avait de l'air vrai en mot de vrai. L'équipe du film était en tournage à New York pour une scène de fusillade avec de fausses armes. Même si les armes n'étaient pas réelles, les producteurs avaient besoin de la présence de spécialistes de la police de New York pour surveiller la scène et se sont retrouvés dans une situation illégale en commençant le tournage avant l'arrivée de ces spécialistes. Le bureau du maire de New York a donc aussitôt annulé le permis de filmer dans New York pour n'avoir pas respecté les règles établies en raison de la panique des résidents qui ont aussitôt appelé la police. Oh. La société de production explique qu'il y a eu juste une erreur d'emploi du temps. Ouais, mais là, il avait pas besoin de leur enlever leur permis, là, au pire. Mettons, ils refont ça une autre journée, puis ils avertissent tout le monde pour pas qu'il y ait de fla-fla, là. Ouais, mais de toute façon, c'est le fun de remettre à demain. Tout le monde fait rien que ça cette année, apparemment. Ben oui, c'est ça. Donc, pourquoi pas? Ouais. Le site Rotten Tomatoes qui se lance dans la critique télé. Ah oui! Oui, on connaît Rotten Tomatoes parce qu'il y avait une émission de télé dans le temps. Oui. Sur Current TV qui s'appelait The Rotten Tomatoes Show. Et bien bref, le site web de Rotten Tomatoes s'aventure dans les émissions de télé. Ah. Une zone télé distincte incluant un tomatomètre basé sur des critiques de saisons individuelles d'émissions de télé et non pas sur de simples épisodes. Ah, c'est bien. C'est très fort. Les critiques toucheront toutes les nouvelles émissions scriptées en ondes cet automne, sans oublier celles diffusées à heure de grande écoute depuis les 4 dernières années. Donc toutes les émissions en prime time sur les grands réseaux sont couvertes et reçoivent des cotes. Par contre, il n'y a pas les téléréalités. Hein? Oh. Ben, et puis évidemment, le tomatomètre, c'est que bon, ça regarde les critiques, les différents critiques de télévision. Ouais. Et ça donne une cote. Est-ce que c'est pourri, rotten, ou est-ce que c'est frais, fresh? J'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'il penserait de Big Brother? Big Brother, ben c'est de la télé-réalité, fait qu'ils diront. Ben oui, je sais, je pour ça que je t'ai dit ça. J'aimerais ça savoir. Mais... Ça va être sûrement dans une prochaine version. Ouais, peut-être. Et on va terminer avec les codes d'écoute. Tiens, dans le top québécois, entre la 15e et la 6e, on retrouve TVA Nouvelle, Toute la vérité, J.E. Le Tricheur, La vie parfaite, Destinée, Qui perd gang, La pelouse d'or, Gala Country. Oh, et là, on entre dans le top 5, Les Pêcheurs à Radio-Canada. En 4e, c'est le Gala des Prix Gémeaux à Radio-Canada. En 3e, c'est Yamashka de TVA. En 2e, c'est Les Enfants à la télé à Radio-Canada. Et en 1e, c'est Unité 9 à Radio-Canada. Non! Ben oui. Bravo! Dans le top canadien maintenant, position 15 à 6, America's Got Talent, Unforgettable, Les Nouvelles, Big Brother 15. Du dimanche, Big Bang Theory, CSI, Rookie Blue, Big Brother du mercredi et les nouvelles sur CTV. En 5e, c'est Big Brother 15 du jeudi sur Global. En 4e, The Big Bang Theory sur CTV le jeudi soir. En 3e, Under the Dome sur Global. En 2e, c'est Masterchef sur CTV. En 1e, c'est The Amazing Race Canada sur CTV aussi. Ben là, t'es après me dire que la semaine prochaine, il y aura plus de Big Brother dans ton top. Ben non, mais ça vient de finir. Ça vient de finir. On a vu. Alors, on dit pas qui a gagné. Non. Mais bon, on dit que c'était bon. Ah. C'était long aussi. Un peu. Ben c'est parce que Big Brother US, là, c'est devenu un festival de la manigance pour réussir à éliminer du monde. Exactement. C'est très stratégique. C'est ça, c'est trop juste de la stratégie. Dans les autres pays, ce qui est le fun, c'est de voir les gens vivre. Oui, exact. Vivre. Donc voilà pour Télévision. Dans quelques minutes, c'est un fait Tech Edition. Mais avant ça, on écoute Bitumen, c'est le nom de la pièce de Mission 8. Écoutez MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est fou. 8. Et Bitamin, c'est un jeu de mots avec vitamin et bit, comme pas une bit. Moins. Pas une bit quand même, come on. Franchement, dis pas ça à radio. Ben non. Voici, c'est un fait Tech Edition. C'est un fait Tech Edition, c'est la chronique sort de C'est un fait où on parle de choses véridiques, véritables et vérifiables, mais dans le domaine technologique. Ouh, ouh. C'est pas mal évident par le nom. Ah boy. Bon. Donc, commençons par ce qui s'est passé dans l'histoire. On remonte à hier, pour ceux qui nous écoutent le vendredi, c'est mardi, le 24 septembre, où CompuServe a commencé à offrir une version pour la grande population de leur système Dial-Up Online Information qui s'appelait Micronet. Le nom allait plus tard changer pour devenir CompuServe et c'est devenu... ils ont commencé à offrir du courrier électronique au grand public. Donc, ça a commencé CompuServe en 1979. Un des plus populaires. En 1993, Broderbund Software ont sorti le jeu Myst pour l'ordinateur Macintosh. C'est devenu un meilleur vendeur. Ça a battu des records. Ça a aidé à populariser le lecteur CD-ROM. Oh! Mmh. En 1997, Ultima Online a été lancé. Ça a révolutionné les jeux vidéo en ligne en supportant des milliers de joueurs en simultané dans un monde partagé. Donc, les jeux en ligne massivement multijoueurs. C'est en 1997. Ensuite, on recule au 23 septembre. En 1889, Fusajiro Yamauchi a fondé Nintendo Koppai à Kyoto, au Japon. Donc, il fabriquait des jeux, des cartes à jouer. On en a parlé un petit peu avec Véronique Mire dans la chronique Le Véronictionnaire sur la lettre N, récemment. Et puis, bref, Mario est arrivé beaucoup plus tard, mais Nintendo a été fondé en 1889. Ensuite, en 2002, Mozilla Phoenix 0.1 est sorti. C'était la première version publique du furteur web sans client courriel, sans éditeur ou rien. C'est devenu, donc c'était seulement un furteur Internet Mozilla Phoenix et ça a été renommé Mozilla Firefox plus tard. En 2008, T-Mobile G1 a été lancé. C'était le premier téléphone à utiliser le système Android de Google. Et bref, ça a commencé sa compétition contre le iPhone qui avait à peine un an à ce moment-là. Oh. On recule au 22 septembre. En 2011, Facebook a annoncé sa nouvelle fonctionnalité Timeline qui ramassait tous tes posts et toutes tes affaires en ordre chronologique, remplaçant le vieux profil sur Facebook. Ouais. Et ça a été très long avant que tu l'aies et plein d'autres gens. Oui, effectivement. Vraiment dernier. Ils ont lancé ça en vague, mais Colin que ça a été long. On recule ensuite, encore une fois, au 21 septembre en 1999, Google est sorti de bêta. La jeune compagnie a annoncé son nouveau service Google Scout et le lancement de son nouveau site web, enlevant la désignation bêta de son engin de recherche Google. Donc, c'était en 1999. Oh. Flash Rewind, encore une fois, en 1848, le 20 septembre, à midi, la Library of the Academy of Natural Sciences de Philadelphie, donc des membres de l'ancienne Association of American Geologists and Naturalists, se sont rencontrés pour créer l'American Association for the Advancement of Science, l'association américaine pour l'avancement de la science. C'est en 1848. Et finalement, on recule encore. 19 septembre 1982, dans un post fait à 11h44 du matin, le professeur Scott Fallman a proposé pour la première fois le caractère du petit bonhomme sourire. Là, deux petits points et une petite parenthèse pour indiquer une blague sur un bulletin board du département Computer Science à la Carnegie Mellon University. Bref, c'était dans le même post qu'il a aussi suggéré un petit bonhomme triste. Oh. Mais pour vrai, c'est un révolutionnaire, ce gars-là. Il est un visionnaire. Ben, vraiment. Ça a changé comment on communique. De tout et de tout. Et c'était en 1982. On n'était même pas nés. Ben, non. Juste un an avant moi. Et on termine avec la journée du 18 septembre. En 1927, le Columbia Phonograph Broadcasting System est monté en onde avec 16 stations de radio. Et en 2 ans, ils allaient être vendus et allaient devenir Columbia Broadcasting System, qui est plus tard devenu CBS Radio. Cool. Et en 1998, l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, la ICANN, a été créée pour, dans le fond, remplacer, pour comment dire... s'occuper des tâches administratives du gouvernement américain en termes d'informatique. Ils sont très célèbres pour le Domain Name System, c'est-à-dire les .com. C'est eux qui gèrent les .com. Assemblagerequis.com, ben c'est le ICANN qui gère ça. C'est cool. C'est cool, c'était en 1998. Maintenant, on passe en technologie, toujours dans cette fait Tech Edition. 80% des clients américains qui ont téléchargé de la musique en ligne payante l'ont fait par Apple iTunes. 80%. C'est beaucoup. Des gens qui achètent de la musique. C'est quasiment la majorité. C'est beaucoup plus que la majorité. Certains diraient que c'est 4 sur 5. Ben oui. D'ailleurs, iTunes, qui compte pour 45% de la vidéo en ligne aux États-Unis dans le domaine des locations de films en 2012. Donc, 45% des locations de films aux États-Unis sur Internet. 10% des coupons mobiles, donc sur téléphone cellulaire, sont dans le fond utilisés, alors que seulement 1% des coupons imprimés sont utilisés. Hein? Tu sais, 1%. C'est ben ça, voyons, avez-vous, je pensais le contraire, mettons? Ben moi aussi. Les gens comprennent pas nécessairement. Tu sais, mettons, t'achètes de la pub dans un journal comme, mettons, le Zone Campus, ouais. Et il y a pas tant de gens que ça qui vont utiliser le coupon. Ben c'est parce qu'en général, dans tous les journaux, c'est 1%. Ouais, c'est ça, c'est normal. Tu relativises, là, on n'a pas tant de copies que ça. Bref. Ouais. Peu importe. Ensuite de ça, 42% des gens qui sont inscrits à un téléphone cellulaire aux États-Unis sont très satisfaits de leur fournisseur. 42% sont satisfaits, mettons, de TELUS, Bell, Virgin, okay. Rogers. En tout cas, c'est plus qu'ici. C'est plus de gens qu'on pense, parce que pour vrai, quand je regarde les gens autour de moi, ils sont pas tellement satisfaits. Mais ouais, moi, je te dirais... ouais. Pas en tout, même. Ouais, c'est ça. Le trafic de données mobiles dans le monde a doublé entre le premier quart de 2012 et le premier quart de 2013. Doublé! C'est... wow, OK. Ça veut dire que tout le monde s'en va vers un téléphone intelligent. Ah ouais, c'est ça. Pour la première fois, plus de la moitié, donc 53% des Américains de 65 ans et plus, utilisent Internet ou les courriels. 53%, c'est la première fois. Ouais, quand même. Bravo. En moyenne, le temps passé à utiliser des médias sociaux, Facebook, Twitter, a augmenté de 250% entre 2010 et 2012. Okay. Quand même. 20% des livres vendus aux États-Unis en 2012 étaient des livres électroniques. Hein? 20%. Ah, ouais? Ouais. C'est 2 sur 10. Ouais, mais c'est quand même pas pire. Ça veut dire que ça prend tranquillement. Là, prend son envol, un peu comme Alex Nevsky. Ouais. Ben, quand tu vois des belles annonces là, à TV là, avec le Kindle Paper White, là. Hey, ça, tu peux lire à piscine dehors. C'est écœurant, là. Sans reflet. Là. C'est voilà. Débile. Moi, j'en veux. Moi aussi. L'utilisateur de tablette moyen, ouais. Okay, a 34 ans okay. Versus 30 ans pour l'utilisateur de téléphone cellulaire intelligent. OK. L'an passé, le site d'Amazon a subi une panne pendant 49 minutes et ça aurait coûté à la compagnie presque 5,7 millions. Il en fond dessus du cash. Aïe aïe. Intel a lancé sa marque Intel Inside, la campagne publicitaire pour Intel Inside, en 1991. Les utilisateurs de PlayStation 3 passent 18% de leur temps sur la console à regarder des DVD ou des Blu-ray, comparé à 9% pour la Xbox 360. Donc, est-ce que ça veut dire que les gens jouent plus sur leur Xbox vu qu'ils regardent moins de films? Il y a aussi le fait qu'il n'y a pas de lecteur Blu-ray dans ta Xbox. Ouais, il y a ça. Il y a ça. Donc, ouais. C'est un bon point. Les propriétaires femmes de téléphones cellulaires intelligents passent... C'est moi, ça? C'est toi. Oui. Donc, Marie-Ève Picard. Oui. Passent en moyenne 28 heures 7 minutes par mois à utiliser des applications mobiles comparé à 25 heures 53 minutes pour les hommes. Ah, non. Donc, je suis un petit peu plus. Ah bah. Joue à Angry Birds. Non, plus maintenant, c'est trop difficile. C'est fini. Ben, je suis sorti ce même tableau depuis genre 3 mois. Fait que là, j'ai même plus envie de l'ouvrir pour essayer de le faire. Il n'y a pas de. Ah, je pense que si tu achètes l'application, tu as un petit cheat pour passer un tableau. Ouais, mais bon. En moyenne, l'utilisateur d'ordinateur moyen va cligner les yeux 7 fois par minute. C'est moins de la moitié de la normale qui est de 20 fois par minute. Ah, ouais. Quand même. T'es trop concentré sur l'écran d'ordinateur. Ouais, c'est ça. Ah ben. Maintenant, on parle de jeux vidéo dans Grand Theft Auto. Donc, la série Grand Theft Auto. Laszlo Jones, qui a co-écrit et produit les stations de radio pour pas mal tous les jeux de Grand Theft Auto, est aussi la vedette de ces jeux-là. Bref, il a presque perdu tous les masters, toutes les bandes maîtresses de ces enregistrements de stations de radio-là à cause de... Il y a eu des dégâts d'eau après l'ouragan Sandy en octobre 2012. Donc, le studio de Laszlo était basé dans le Long Island sur le plancher principal. Et bref, il a failli perdre les enregistrements de ces stations de radio-là. Ça n'aurait pas été drôle? Ben non. Dans Grand Theft Auto 5 maintenant, dans l'édition Special et Collector's Edition du jeu, il y a une map, une carte blueprint imprimée à deux dans le fond recto verso. Et quand on la regarde avec la lumière UV, ça révèle des secrets et des surprises sur la carte. Donc, sachez-le, dans Grand Theft Auto 5, celui qui vient de sortir là, la semaine passée, cool. Il y a du UV lighting, de l'ultraviolet. Toujours dans Grand Theft Auto 5, le monde est plus grand que la totalité des mondes de Grand Theft Auto 4, Red Dead Redemption et Grand Theft Auto San Andreas combinés ensemble. La carte de Grand Theft Auto 5 est gigantesque, donc on peut se promener partout dans ce monde-là. C'est ouvert. Génial. Dans le même jeu, encore une fois, Grand Theft Auto 5, dans les 24 premières heures, Grand Theft Auto 5 a fait 800 millions de dollars et plus. Ça a surpassé le précédent record de 500 millions de dollars qui était par Call of Duty Black Ops 2 en 2012. Ah, c'est le battu Call of Duty? Ça a battu tous les jeux du monde. Tabarouette. Bravo. Dans Mario maintenant, petit bloc spécial sur Mario. Charles Martinet, qui est la voix de Mario, Luigi, Wario et Waluigi, en fait, n'a jamais été invité aux auditions pour être la nouvelle voix de Mario. Ah non? Non, il s'est présenté aux auditions et on lui a demandé de faire un accent italien jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à dire. Donc, il connaissait rien de Mario avant d'entrer à l'audition. Et on lui a dit de parler à des enfants. Dans le fond, il savait que le jeu allait s'adresser aux enfants. Donc, il a commencé à faire une voix un petit peu plus cute, là, t'sais, enfantine, à la place de faire un accent italien plus t'sais, viril que Mario avait avant. Non. Donc, Martinet a laissé tellement une impression à l'enregistrement que sa cassette est la seule qui a été envoyée à Nintendo. Wow! Comme il voulait vraiment. Il est hot, le gars. Mais oui. Puis une chance qu'il a fait. Ouais, une chance qu'il a fait ça aussi, parce que s'il avait gardé son accent italien, mettons. T'imagines Mario, non, genre. Mais ça aurait été. Mamma mia! Ouais, ça aurait été très mauvais. Mais ça aurait peut-être plus fité avec la précédente version de Mario. Au tout début, avant que les jeux de Mario commencent à sortir, ouais. Il avait prévu un fusil dans la main de Mario. Hein? On l'avait déjà parlé à un moment donné. Un fusil dans Mario? Wesh. Ouais. Pas tellement. Hein? Non. La boîte japonaise de Super Mario World utilise un sous-titre qui est Super Mario Bros. 4, même si le sous-titre n'est pas utilisé à l'écran pendant le jeu du tout. Bref, il y a un graphique pour le sous-titre dans le fichier du jeu, mais il n'est jamais utilisé à l'écran. Mais sur la boîte, on voit Super Mario Bros. 4, Super Mario World. C'est un fait divers. Dans Super Mario Bros. Wii, maintenant, le jeu, à l'origine, devait avoir un power-up, donc un habit de poulet. On sait pas ce qu'il aurait fait. On sait qu'il a sûrement été remplacé par l'habit de pingouin qui a finalement été dans le jeu New Super Mario Bros. Wii. Mm-hmm. Mais ensuite, ça devait être un poulet et on a des photos sur assemblagerequis.com. Mario Poulet. Mario Poulet. Toad Poulet, Luigi Poulet. Pourquoi pas? Wap, wap. Avec un petit set de salade de choux. Puis des frites. Puis des fumées. le nom de Luigi vient d'un jeu de mots en japonais. Ruiji, R-U-J-I, R-U-I-J-I, pardon, qui veut dire similaire. Hein? Donc, évidemment, dans le temps, Luigi était seulement une recolorisation de Mario. De Mario. Il avait changé l'habit de couleur. Et bref, son nom était italien, un peu comme celui de Mario. Luigi. Luigi. Luigi. Et ça a l'air de fitter avec lui. Donc, Luigi pour similaire et Luigi parce que c'est un nom typiquement italien. Cool. Dans Super Mario Sunshine, c'est pas intéressant partout ça. Dans Super Mario Bros. 2, voilà. Malgré la croyance populaire, on dit que Mario Bros. 2 était vraiment la vraie suite de Mario Bros. Mais attends un peu. C'est ça. Souvent, on va dire que Mario 2, c'est un jeu qui était pas dans la série des Mario et qui avait adapté pour faire un jeu de Mario. OK. Mm-hmm. Ça, on avait déjà parlé un petit peu de ça, je reparlerai pas de l'histoire complète. Ouais. Mais il y a quelques évidences qui pointent vers le fait que Mario 2 était, dans le fond, la vraie suite de Mario. C'est ce qu'on dit. Donc, la division Research and Development de chez Nintendo à Kyoto a commencé à travailler sur un jeu qui se passait à la verticale. Et on a compris par la suite que ce jeu-là serait pas la même qualité que le Mario original. Donc Shigeru Miyamoto est arrivé et a commencé à ajouter des aspects horizontaux à ce jeu-là. Le prototype à l'origine était dans le fond dans le jeu tu transportais, tu lançais et t'empilais des affaires. C'était un jeu coopératif à deux joueurs et puis tu pouvais même lancer les autres joueurs à certains endroits pour les faire avancer dans le jeu. Donc dans le fond tu pouvais mettons prendre la princesse puis la lancer. Et bref. Avec Fuji TV, qui est une chaîne de télé à Kyoto, on a signé une entente et le prototype est éventuellement devenu Doki Doki Panic, qui est le jeu dont on parle, qui avait été, dans le fond, qui ont enlevé les personnages de Doki Doki Panic et qu'ils avaient remplacé par Nintendo. Mais bref, ce jeu, c'est un petit peu difficile à expliquer, là, mais ce qu'on pensait être un jeu qui n'était pas dans la série de Mario, à l'origine, devait être dans la série de Mario. Donc c'est pour ça qu'ils ont pris ce jeu-là, qu'ils ont ciblé ce jeu-là pour le transformer en jeu de Mario plus tard, parce qu'à l'origine, c'était supposé être un jeu de Mario. Quand même, hein? Tu sais, parce que l'histoire, c'est vraiment ça, c'est que le Mario Bros. 2, qui est japonais, aurait jamais marché aux États-Unis, était beaucoup trop dur, fait qu'on a pris un jeu pour enfants autre, puis on a mis les faces de Mario, mais finalement, c'est pas nécessairement ça. Là. C'est bizarre, hein? C'est compliqué. Ouais. Dans Mario Kart 8, maintenant. Mario Kart! À la place d'utiliser la mécanique d'antigravité dans Mario Kart 8, à l'origine, parce que c'est ce qui va avoir lieu dans le jeu, à l'origine, l'équipe planifiait avoir de pouvoir permettre de driller dans la piste de course pour que les karts traversent d'un côté à l'autre de la Terre. Oh! C'était ce qu'ils voulaient faire à l'époque, mais finalement, c'est devenu de l'antigravité, donc on voit vraiment le jeu virer à l'envers. Si vous avez vu la bande-annonce de l'E3, c'est vraiment cool comme jeu. Donc voilà, c'était Mario Kart 8. Dans Mario Kart, oui. Ouais. Tu peux pas jouer au jeu en ligne si ton nom de profil est Hitler. Non, on va dire. Bon, OK. OK. T'as cassé, il aurait pu mettre d'autres mondes, là, aussi. Ben, tu sais, d'autres personnages méchants, maléfiques. C'est ça. Ben voilà, pour c'est un fait Tech Edition, à part m'être perdu dans mon histoire de Mario Kart, c'était vraiment trop compliqué pour raconter ça. Ouais, c'était un peu compliqué, mais... Pour vrai. Je crois qu'on a quand même compris l'essentiel. L'essentiel. Ah, je pense à ça. Ah, maudit. Faut pas nous embarquer là-dessus. Non. Donc voilà pour la première partie du Mathieu Planchon. On se retrouve dans quelques minutes avec CNX et après ça, la geekette en devenir. Ça te va, ça? C'est moi, ça. C'est toi, ça. Tu vas nous présenter des choses que tu as trouvées sur Internet. Oui. C'est après la pause au Mathieu Planchon. Toujours au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante et Marie-Ève Picard, bien sûr. Eh oui, c'est moi. Je vais commencer par toi, c'est plus poli. Ouais, quand même. Là. En plus, je suis une fille, tu sais. C'est ça, femme de bord. Franchement, ouais. Femme du bord, de la table, de ce côté-là. Ah, ouais, OK. C'est sur le bord de la table. Ben oui. Avant de continuer avec CNX, la chronique geek, je pense qu'on est dû pour encore un petit peu de musique. Là, ça fait un bout qu'on n'a pas entendu de musique. C'est vrai. À part vrai. L'intro, tu sais. Ben oui, ben, elle est tellement bonne. Elle est tellement écœurante. Donc voici Floppy et Jakeem. MPS, Mathieu Plante Show. Yeah. Duh. Évidemment. La pièce Jakeem par Floppy au Mathieu Plante Show. Quand même, j'aime ça. Ouais, hey, mais tu sais quoi? Quoi non? Ça me faisait penser là, un peu à la chanson de Le Prince de je sais plus trop où. Là. Oui. Non, c'est juste histoire. Oui, ouais. Ça me faisait tellement penser à ça. Je devrais trouver un remix chiptune de ça, il y en a. Ouais, sûrement. Il y en a. Maintenant, voici la chronique CNX. CNX, la chronique de la vie geek. Tash.com. J'ai pas le choix, je dois te féliciter encore. Ah, mon Dieu, merci. Commençons par les réseaux sociaux. Une loi pour effacer photos et commentaires gênants. Une loi californienne va permettre aux adolescents de faire disparaître de leur page personnelle sur les réseaux sociaux les photos ou commentaires embarrassants téléchargés sur un coup de tête ou après une soirée trop arrosée. Le texte surnommé la loi gomme, comme une gomme à effacer, ouais. A été promulgué en début de semaine par le gouverneur de Californie, Jerry Brown, et entrera en vigueur le 1er janvier 2015, le temps pour les sites Internet concernés de s'adapter à la nouvelle réglementation. Oh. Les défenseurs de la loi voulaient s'assurer que les erreurs de jeunesse des internautes ne les poursuivent pas toute leur vie, notamment professionnelle, alors que les profils des réseaux sociaux sont de plus en plus observés et contrôlés lors des embauches. Le texte de la loi donne aux jeunes de moins de 18 ans le droit de retirer ou d'exiger le retrait d'un contenu ou d'une information téléchargée sur un site Internet ou une application. Les réseaux sociaux Twitter et Facebook proposent déjà cette fonctionnalité sur leur site. Le texte ne protège cependant pas les jeunes des commentaires ou photos les concernant téléchargés par d'autres personnes et ne permet pas aux adultes de gommer leurs erreurs de jeunesse. Oh. Les opposants à la loi assurent qu'elle complique encore la tâche des sites Internet qui doivent déjà composer avec les multiples législations locales dans chaque État américain. D'autres affirment que le texte pourrait avoir des effets pervers en obligeant les sites Internet à récolter encore plus d'informations personnelles auprès des jeunes internautes. D'ailleurs, les sites vont devoir savoir s'ils habitent ou non en Californie. C'est mettons si quelqu'un habite en Californie ou non, parce que ça va s'appliquer seulement à la Californie. Non, c'est ça. Oh boy. Ça devient complexe pas mal, je trouve. Ouais. Tant qu'à ça, peut-être qu'il devrait le laisser faire à tout le monde. Non, mais tu sais, tout le monde puisse le faire, que tu sois en Californie ou pas. Ouais, tout. C'est ça. Il n'y a pas de mal. Je comprends pas, il n'y a pas de mal à ça. Ben non. À enlever les affaires. Tu sais, tu veux l'enlever, mais tu as fait une erreur. T'sais. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, tu essaies de réparer tes erreurs. Et voilà. Et c'est une façon de faire, essayant d'enlever ton poste. On peut changer. Ben oui. Quelqu'un qui a payé des sans domicile fixe pour faire la queue devant un Apple Store. Un homme sans domicile fixe qui se trouvait devant un Apple Store de Californie a expliqué au Los Angeles Times qu'un homme d'affaires lui avait promis une récompense financière s'il faisait la queue pour acheter le dernier iPhone. Ben non. Le businessman aurait en fait convaincu une douzaine de sans-abri de faire la queue pour obtenir les précieux tickets qui permettent d'acheter ensuite les iPhones 5C et 5S. En échange de quoi, il leur aurait promis pizza, soda, cigarettes et 20$ pour chaque téléphone. Et juste ça? Juste 20$. Mais pour eux autres, c'est gros. Si l'homme d'affaires avait promis ses largesses, tous les sans-abri concernés n'auraient pas même reçu leur argent, si on veut. Les iPhones étaient destinés au marché étranger et la machine bien huilée s'est enrayée lorsque les sans-abri n'ont pu retirer les iPhones auxquels les coupons leur donnaient droit. Les employés d'un Apple Store auraient suspecté la supercherie, donc les gens qui allaient se faire payer pour avoir un iPhone n'ont pas réussi à avoir l'iPhone. Ah, mais voyons là. Vas-y. Non, je disais, bien. C'est bizarre. Parlant de téléphone cellulaire, es-tu du type à utiliser ton pouce ou ton index sur ton téléphone? Mon index. OK, on va en parler justement. Alors que leurs aînés utilisent majoritairement l'index pour taper sur leur tablette tactile ou téléphone intelligent, les moins de 35 ans utilisent deux doigts et le pouce est en train d'acquérir un nouveau rôle, selon une enquête Ipsos Microsoft. Les nouveaux écrans ont un impact sur la motricité et le nouveau rôle du pouce après des générations formées avec la précision de l'index. Bref, résume l'étude réalisée en ligne auprès de 1004 Français de 15 ans et plus. Ainsi, alors que le doigt le plus utilisé sur la tablette tactile reste l'index pour la majorité des Français, le pouce est plus utilisé par les jeunes générations qui ont grandi avec le numérique que par l'ensemble des Français, soit 49% contre 28%. C'est sûr que sur la tablette, si tu as tendance à utiliser ton pouce sur ton téléphone cellulaire, peut-être que tu vas vouloir aussi utiliser ton pouce sur ta tablette. Ouais, effectivement. Toi, t'as comme une phablette, là, mi-téléphone, mi-tablette. Ouais. Donc, ça peut justement être considéré comme une tablette, donc je dirais que l'index serait plus normal. Ouais. Ben, des fois, je vais l'utiliser, le pouce, là. Pour taper, surtout, pour taper des textes. Mais... Ben, pas, tiens. On dirait que je suis comme pas... Non. De la même manière, pour taper sur leur téléphone intelligent, on observe que 61% des plus de 35 ans n'utilisent qu'un seul doigt, alors que 62% des moins de 35 ans utilisent au moins deux doigts. Plus étonnant, 13% des personnes interrogées par cette enquête ont également indiqué avoir déjà manipulé leur écran tactile avec les phalanges de leurs doigts. Hein? Mais moi, pour vrai, quand je fais la vaisselle, puis je m'essuie un petit peu, je vais prendre le bout de ma phalange. C'est vrai, t'as raison. Ouais. Mon coude, non, c'est pas vrai. Non, 5% d'entre eux donc utilisent la phalange de leurs doigts des fois. Leur nez, 3%. Leur coude, 2%. Waouh! Ah non! Je disais pas n'importe quoi. Leur pied à 2%. Ça, c'est les gens qui ont pas de bras. Et leur langue, 2%. Je sais pas si c'est conducteur, même. Et leur menton à 1%. Là, tu sais, il y a des gens qui ont copié ça, qui ont coché ça pour être drôle. Ouais, c'est clair, là. Clairement. On sort quelques affaires. Je vais vous laisser quelques liens sur assemblagerequis.com. Entre autres, Facebook a publié la photo de quelqu'un qui s'était suicidé, mais comme publicité. C'est un peu bizarre. Quelqu'un qui se suicide puis qui continue à être utilisé dans des pubs. Mais c'était quoi? Je vais en faire, finalement. Ben oui, moi, j'aimerais ça. Excuse. T'as bien raison. C'est un petit peu trop taquinant de pas en parler. Ouais. Facebook a présenté ses excuses après avoir affiché une publicité pour un site Internet de rencontre sur laquelle on pouvait voir une photographie de Retta Parsons, une jeune néo-écossaise de 17 ans qui est morte après une tentative de suicide en avril. OK. C'est plus qu'une tentative quand tu meurs, je trouve. Ouais. Bon. Porte-parole de l'entreprise qui avait demandé l'anonymat a publié un communiqué pour affirmer que cette publicité était une violation flagrante des politiques de Facebook. L'entreprise a aussi indiqué que le site Internet en question, connu sous le nom de ionesha.com, ne pourrait plus annoncer sur Facebook du tout. La publicité montrait une photo de Mme Parsons sous le titre « Trouver l'amour au Canada ». Rencontrer des filles et des femmes canadiennes pour trouver l'amitié, l'amour ou des rendez-vous. comprends. OK. Ma fille est morte, tu sais. Donc, son suicide était la conséquence de plusieurs mois d'intimidation suivant une présumée agression sexuelle. Je pense qu'elle avait été... Par rapport au site? Je pense qu'elle avait été intimidée sur Facebook, entre autres. OK. Si je me rappelle bien. Ah. Donc, c'est un peu déplacé, mais en même temps, ils peuvent pas... Surveille, je sais pas. Il y a sûrement quelqu'un qui choisit ces photos-là pour faire les pubs. Ben là, c'est sûr, là. Ça passe pas de même, là. Ouais. Allons-y avec, je sais plus où je m'en vais. Ah, tiens, un gratte-ciel invisible. Oui, ça fait des années que les chercheurs essaient, mais ne réussissent pas à développer une technologie qui rendrait les objets complètement invisibles. Ce qu'ils ont réussi à faire, par contre, c'est trouver des méthodes pour créer l'illusion optique de, l'invisibilité, si on veut. OK. Donc, le gouvernement là-bas, là, on parle évidemment du... c'est dans quel pays? C'est en Corée du Sud. Donc, leur gouvernement vient d'approuver la construction d'une bâtisse proche de l'aéroport international de Incheon. Donc, oui, proche de l'aéroport, ce serait pas bizarre du tout d'avoir une bâtisse invisible et des avions qui passent autour. Ben non, c'est ça, tu sais. Mais bon, quotidiennement. Mais bref, donc la bâtisse est un design de GDS Architects à Pasadena, en Californie. L'illusion d'invisibilité est réussie en utilisant des caméras qui capturent en temps réel les images de derrière la bâtisse. Et ensuite, on les stream par Internet à l'avant de la bâtisse en utilisant un mur de lumière LED. C'est bizarre. Hein? Donc, via le processing numérique, donc via une technique vidéo, les images sont mises à l'échelle, tournées et fusionnées pour créer une image panoramique seamless, donc sans séparation entre les différentes images qui vont apparaître sur les lumières pour créer l'illusion d'invisibilité. Donc, peu importe ce qui se passe derrière la bâtisse, va être projeté en avant, c'est un peu ce que ça veut dire, mais plus sophistiqué parce que la bâtisse a une drôle de forme. C'est vraiment bizarre. On voit les photos sur assemblagerequis.com. C'est pas, bon, invisible. Ouais. On voit des vitres. Ouais. Mais Colin, que c'est beau. Ben, c'est cool. C'est fun. Ouais, c'est-à-dire que la température va venir aussi jouer un facteur. T'sais, si mettons, c'est les gris. Ah oui. Ça va être beau. C'est vrai, t'as raison. J'adore. Et finalement, ben, pour terminer, c'est bien ça. Oui, pour terminer, pas mal. Hiroshi Yamauchi, l'ex-président de Nintendo, est mort à 85 ans récemment. Donc, parlons-en un petit peu. Oh. L'homme qui a transformé une entreprise fabricante de cartes à jouer en un géant mondial du divertissement vidéoludique n'est plus. Président de Nintendo de 1949 à 2002, il est mort à l'âge de 85 ans. L'homme d'affaires qui a repris les rênes de la société de son grand-père est responsable de la métamorphose de Nintendo. Pardon, excuse-moi, il est sorti ce nom. Ben, Colin, on s'attendait pas à ça. D'habitude, il sort pas, mais... donc, Yamauchi, qui a su reconnaître rapidement le talent de Gunpei Yokoi, l'ingénieur derrière une foule de produits, dont la populaire Game Boy, et celui de Shigeru Miyamoto, créateur des jeux de Donkey Kong et Super Mario Brothers. La compagnie connut un succès mondial en 1986... avec le lancement de sa toute première console, la Nintendo Entertainment System, qui s'appelait la Famicom au Japon. Véritable visionnaire, Yamauchi avait la fougue et le tempérament de Steve Jobs. On le compare souvent à Steve Jobs, aux yeux de plusieurs spécialistes de l'industrie. Il est décédé dans la soirée dans un hôpital situé au cœur du Japon. Là, on parle de la soirée de jeudi passé, bref. Suite à des complications d'une pneumonie. Le 31 mai 2002, Yamauchi a cédé la direction de l'entreprise à Satoru Iwata, toujours président de Nintendo encore aujourd'hui. Au moment de sa mort, Yamauchi était toujours membre du conseil d'administration et l'un des plus importants actionnaires de la société. C'est bien triste. Ben, il a quand même vécu une belle vie, hein? Oui, pour vrai. C'est ce qu'on peut se dire. Et il a créé bien des belles choses. Bien des choses. Il peut être fier de lui. Ouais. Bon repos. Oui, bon repos, repose en paix. Et tiens, continuons, mais plus en nouvelles, on parle de sites Internet, de choses qui se passent sur le web, donc WoWatWeb. Ouais. Donc, WoWatWeb, cette semaine, dans le bloc CNX du Mathieu Plancheau, c'est sous-branche, une sous-branche, on aime bien ça faire ça de même. Il y a un hôtel qui permet aux gens qui ont plus de 10 000 followers, OK, sur Internet, qui ont plus de 10 000 followers, à rester chez eux gratuitement. Donc, si tu as 10 000 followers sur Instagram et que tu habites à Sydney, en Australie, tu pourrais peut-être passer par le 1888 Hôtel avant de retourner à la maison. Cool. Donc, c'est un hôtel de luxe de 5 étoiles qui, présentement, donc, a un concours. Et puis, c'est ça, tu peux gagner une nuit si tu as 10 000 personnes sur Instagram qui te suivent. Il y a même un gros mur de selfies dans cet hôtel-là où les invités sont encouragés à prendre leurs propres photos dans un miroir, tu sais, comme tout le monde fait. Un pic de chicks. Un grand pic de grand mur de pics de chicks. C'est exactement ça. Donc, vous avez qu'à suivre 8 Hotels sur Instagram et envoyer un courriel à media@8hotels.com pour gagner votre propre chambre. Cool. Ensuite, un service de message texte qui s'appelle Birds and Bees, qui est un service où les adolescents peuvent demander des questions par rapport aux Birds and the Bees. Tu sais, comment sont faits les enfants? Oh non! Ça. Comment on appelle ça en français? Le discours de l'abeille et de la... Non. De l'oiseau. Non. Il y a pas mal de choses. La petite abeille qui butine la fleur. Okay. Là. Donc, c'est pas tous les enfants qui sont assez confortables pour demander à leurs parents comment les enfants naissent. Et les parents sont pas nécessairement assez ouverts pour le faire non plus. Bref. Donc, c'est ça, c'est Birds and Bees, B-R-D-S-N-B-Z, avec des majuscules un peu mélangées là-dedans. Un service par message texte qui est fait pour les adolescents et les parents, donc pour demander des questions sexuelles. Le service promet que tu vas recevoir une réponse d'un expert de la santé en dedans de 24 heures. Et le service est offert au Nouveau-Mexique et en Caroline du Nord. Donc, peut-être qu'un jour, ça va se rendre jusqu'au Québec. Il faut envoyer... Il y a un programme similaire en Californie qui s'appelle Hookup 365247. Mais Birds and Bees est un petit peu plus catchy. Plus extrême. Ouais, c'est beau. Yeah. Come on. Maintenant, tu es avec tes amis et tes connaissances, et c'est bien le fun, mais qui va comment partager le prix de la facture? Oh! Il y a des applications pour ça, mais en Vlonie qui s'appelle Tab. OK. Tab, T-A-B. Ouais. Quand la facture arrive, t'as qu'à partir Tab, prendre une photo de ton reçu. Ah, oui! Passe le téléphone aux autres. Oui. Et ça va diviser ça, et dans le fond, tu prends les photos pour décider de qui a mangé quoi, qui a bu quoi. Donc, chaque personne veut savoir combien payer. On peut télécharger ça sur iTunes et sur Google Play. Ça s'appelle Tab T-A-B. J'aime ça. Oui. Maintenant, au 2013 Gamescom, une foire de jeux vidéo qui a eu lieu en Allemagne, stabyourself.net a enregistré 974 personnes en train de jouer simultanément à Super Mario Brothers, mais un tableau spécial créé par le site stabyourself.com. Ils ont pris ensuite les 974 versions et les ont combinées en une seule vidéo. Et le résultat est d'un synchronisme parfait. Donc, allez voir la vidéo sur assemblagerequis.com de 974 personnes en train de jouer à Mario en même temps. Cool. Très cool. Oui. Je saute encore une fois par-dessus quelques trucs. Allez voir sur assemblagerequis.com. Quelques affaires très, très visuelles. Entre autres, un poster qui montre tous les jeux vidéo qui sont sortis sur la NES. 709 jeux sont sortis sur la NES dans un même poster circulaire avec les dates de sortie. C'est cute. Hum. New York qui installe, on n'a pas le choix d'en parler, je l'ai mentionné en intro, faut quand même pas sauter par-dessus. Oui. New York qui a installé des zones de messages texte sur les autoroutes. Donc, oui, New York qui a un petit peu recyclé 91 de ses park and ride. Donc, c'est des places où tu pouvais aller te stationner, bref, aller aux toilettes, j'imagine, faire un peu d'affaires comme ça. C'est devenu des arrêts texte. Donc, les gens arrêtent sur le bord de la route et vont envoyer des messages textes là. Bien sûr, si tu as besoin d'une pancarte pour te dire d'aller texter là, ça veut pas dire qu'il va se passer que ça. Ça veut pas dire que les gens vont arrêter de texter. Non, c'est sûr, mais au moins... T'imagines-tu, mettons, t'as un message texte à envoyer, il faut que t'attendes la prochaine sortie de message texte. Ben, ou sinon, mettons que t'es en train de vouloir... Ben, tu veux en envoyer un, mettons, pour dire « j'arrive bientôt ». Sauf que ça pourrait être long. Ça pourrait être long, puis il faut attendre que la personne te réponde, c'est ça? C'est ça. Les gens sont pas aussi rapides que toi. Plus. Ben non, c'est ça. Je sais pas, moi je trouve ça très très douteux comme nouvelle façon de faire. C'est pas super, là, mais... 91 places. Mais c'est parce que tu sais, on savait déjà qu'on pouvait faire ça quand même. Là. C'est ça. C'est juste parce que là, ils ont donné le nom, genre zone message texte, là. Je veux dire, tu sais... Quand t'arrêtes dans un autostop, c'est parce que tu veux soit aller manger, arrêter dormir, aller pisser ou tu sais. Je sais pas, bref. Vérifie ton téléphone. Et pour terminer, tiens, le scanner d'empreintes digitales du iPhone 5S va aussi fonctionner sur les tétines. Les tétines de tes chiens. Ben non. Oui, donc on voit dans la vidéo un homme en train d'utiliser ses tétines pour débarrer son iPhone 5S avec le scanner d'empreintes digitales. Parce qu'évidemment, comme les empreintes digitales, les tétines... les mamelons sont aussi uniques comme un flocon de neige. Oh. C'est cute. On va aller voir la vidéo. C'est juste bien cocasse. Puis, en même temps, j'ai vu une autre vidéo de quelqu'un qui servait de la patte de son chat. Parce que aussi les chats ont des empreintes digitales sur leurs pattes, sur leurs coussins. Ben là, t'imagines, là, qu'est-ce que ça pourrait créer comme controverse, là? Ah! Genre la fille qui se déshabille puis prend son téléphone avec sa tétine pour débarrer son téléphone. Tu peux juste ouvrir un petit peu ta brassière puis ouais, mais là, franchement, pas sûr que les regarde-moi vont pas faire ça. École. Donc voilà pour le tour du net WoW at Web dans la chronique CNX du Mathieu Plante Show. Et maintenant, ben, tiens, pour terminer l'émission, le nightcap, si on veut, le bouchon sur... le bouchon sur la bouteille du Mathieu Plante Show, si on veut. Voici la geekette en devenir. Marie-Ève Picard, la geekette en devenir, qui nous partage quelques trucs qu'elle a trouvés sur Internet cette semaine. Oui. Qu'as-tu pour nous aujourd'hui? Écoute, on reste un peu dans le même domaine que les semaines précédentes. Là. C'est OK. Mais c'est le fun. Genre? On aime ça. Des princesses, je te gare. Oui! Hey, t'es dans 20 ans? Je suis bon, hein? Hey, tu m'écoutes? Pas pire bon. Hey! Oui, en fait, là, c'est Haru, je sais pas trop comment le prononcer, là, Haruki Godo, okay. En fait, qui s'est inspiré là, des princesses de Disney. Et puis, en fait, elle les a fait, elle les a dessinées, mais avec les habits de leur partenaire, okay. Comme de leur chum, là, si on veut. Exemple? Ben, par exemple, Ariel. Ça, ce serait... C'est comment il s'appelle? Je ne sais pas. Moi non plus. Moi, le gars dans la sirène. Juste Sébastien dans la tête, mais c'est pas ça son nom. Éric, je pense. Non, Éric, je pense. Éric Estrada, il est là-dedans? Non, non. Fait que c'est ça. Ou mettons Belle, qui est déguisée en... La bête. Avec l'habit de la bête, effectivement. J'ai un point. Ouais. Jasmine, qui est déguisée en Aladdin. Aladdin! Ah, j'allais le dire. Ouais. Fait que c'est vraiment cool. Ça donne vraiment un style, là. C'est, ça fait plus, je trouve, on dirait quasiment... Mieux, ça fait plus 2013, on dirait. C'est vrai? Ben, je sais qu'ils ont du talent, en tout cas. Pour dessiner, ces gens-là ont du talent. Ouais. Allez voir cette galerie-là sur assemblagerequis.com. Oui, c'est très, très, très beau. Et encore une fois, là, un peu dans le même genre là, de petites choses belles. Là. En fait, il y a Andrew Wilson qui a créé, encore une fois, c'est seulement comme un dessin, là, une peinture. Et dans le fond, c'est des petites poupées russes. Oh, comme Charles La Fortune dans le temps. TVA. Il joue là-dedans. Ah oui! Ben oui, c'est vrai. Ah, excuse, je comprenais pas ton aussi lien. Surtout qu'on parle oui. de Poupérus, j'ai pas le choix de mentionner Charles La Fortune. Oui. Ben, en fait, ce qui est de différent, c'est que c'est fait avec des dessins comme de Mario, Légende de Zelda, et puis il y en a plusieurs ça. Oh, la petite libellule là, dans Zelda. Ah, oui. Oh, wow, c'est beau. Puis regarde Mario. Regarde le petit Mario. Ah, comment oui. il est cute. Ah, wow. Oui, avec le monstre. Là, il c'est Bowser, ça, à droite? Oui, oui, oui. OK, dans Bowser, il y a Mario qui lance du feu, je pense. Ouais. Dans Mario qui lance du feu, il y a petit Mario. C'est ça. Ah, oh, wow. C'est vraiment cool. Là. Je trouve ça vraiment hot. Génial, mais c'est des dessins. Mais c'est ça, c'est des dessins. Tu peux les imprimer. Mais dans le fond, là, il n'est pas dit que ça pourrait pas un jour devenir un vrai modèle. Là. Cool. Et je vois que ça coûte 90$ acheter ces posters-là. C'est quand même pas mal cher, mais ça fait un beau mur. Ben, t'imagines, là, tu mets ça sur ton mur, c'est super cute. Pour vrai. Peut-être qu'au lieu d'acheter les quatre petits morceaux de chez Etsy, là, qu'on a parlé la semaine dernière. Les petits cadres de slot machine de Mario 2. C'était tellement trop cher. Mais, hein, 300 piastres, je pense. Mais c'est de valeur parce que c'était si beau. Tellement. Enfin. C'est joli. Oui. Et finalement, pour terminer, quelque chose de plus différent. Il y a, dans le fond, là. Je m'excuse, je trouve plus son nom. Mais, dans le fond, ils ont attaché pour faire une expérience. Une caméra sur le dos d'un aigle. D'un aigle. Un aigle. Ça peut pas être un aigle. Touché. Non, sur le dos d'un aigle. Un aigle, tu sais, l'oiseau, là. Comme Marie-Carmen disait. Oui, l'aigle noir. Voilà. On est drôle. Donc, sur le dos d'un aigle, et là, l'aigle part et vole, et on voit la vidéo en GoPro. Pour vrai, c'est cool. Hey, c'est beau, là. C'est vraiment génial, là. Sauf que c'est ça, comme c'est dit, là, dans le fond, on se rend compte que c'est. Tu sais, quand on le regarde là, voler de même là, de par en bas, là, ça a l'air super majestueux, là, majestique, puis c'est super beau, là, mais une fois que tu es comme si tu étais lui, tu vois, là, c'est fou, là, ça bouge, là, la tête, elle bouge. Oui, c'est ça, pas ça fluide. Sautille. Non, c'est ça, c'est comme pas fluide. Mais c'est intéressant. Mais c'est fortement, fortement recommandé d'aller voir ça sur assemblagerequis.com dans les notes du Mathieu Plante Show, épisode 10. Oui. Wouhou, 10 épisodes! Yay! Qu'est-ce qu'on gagne? Je sais pas. Une 11e émission la semaine prochaine. Ah, et que t'as de la suite des idées. Merci Marie-Ève Picard. De rien, Mathieu Plante. Qui est en devenir. Oui. Bon, voilà, c'est tout pour cette édition du Mathieu Plante Show. On se retrouve mercredi prochain à 16h. On t'en rappelle les samedis à 15h. Si ça vous a donné le mieux, tu sais, on sait pas, on veut pas gérer votre horaire ben pour non, vous. C'est là. Ça, c'est ça. Consultez la programmation de Cifou sur Cifou.ca. Retrouvez les notes de l'émission des balades de diffusion sur assemblagerequis.com. Merci Marie-Ève Picard. Ça me fait plaisir. C'était Mathieu Plante de la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show. Merci d'avoir été à l'écoute. Bonne journée, bonne soirée, bonne journée demain et ainsi de suite jusqu'à mercredi prochain. Bye bye. Salut.